Second chapitre, Hänsel Eck. Alors que tant de malheureux mouraient de faim, les troupes assiégeantes célébraient dans l'orgie les fêtes saintes de la Pentecôte. « Que venez-vous faire ici, maudits ? » demanda Falkenstein à ses trois prisonniers. « Quelle peste nous apportez-vous ? L'impiété, l'hérésie, la dépravation ou l'esprit de révolte ?» « Il vous sied mal de nous recevoir ainsi, » répondit Hänsel, « lorsque je vois de quelle façon vous gardez ici les fêtes sacrées, je comprends l'insuccès de vos attaques, et je suis tenté de me demander si j'ai vraiment quitté Münster. « Comment te nommes-tu, beau parleur ?»« Hänsel Eck. »« Tu mens. Celui dont tu prends le nom est un sculpteur habile, » honoré dans toute la Westphalie, autant pour sa piété que pour son talent. Ce n'est point un suppôt de Jean de Leyde, le faux prophète. Je suis Hänsel Eck. Que faisais-tu dans la ville maudite? Je m'y suis introduit vers la fin de l'hiver pour secourir mes deux jeunes frères que voici et les aider à fuir. Où as-tu pris le droit de me répondre comme tu t'es permis de le faire? Dans ma conscience révoltée, « nulle part le Seigneur n'a de serviteur. »« Tu te repentiras de m'avoir parlé de la sorte. »« Je me repentirai bien davantage d'avoir tué la vérité. »« Jamais le soldat sans foi ne vaincra. »« Que ferais-tu pour triompher, beau donneur de conseil ?»« Je me placerai humble et soumis sous les ordres du seul chef infaillible, de celui qui dispose de la victoire et dont tu n'es que l'indigne lieutenant. » Enflammé par la foi, protégé par la sainte mère de Dieu, je serai certain du triomphe. C'est ton avis que rien n'est impossible avec la foi? C'est mon avis. Pour toi, l'expérience est un leurre qu'une prière remplace avec avantage. La foi peut triompher sans le secours de l'expérience. L'expérience est certaine de la défaite sans le secours de la foi. Je crois à l'efficacité de la prière. Eh bien, Hänsel Eck, puisque tu es si prompt à juger ceux qui commandent, si disposé à blâmer ceux qui luttent, puisque tu as une confiance absolue dans les effets de la foi et de la prière, place-toi sans perdre une seconde sous la protection de la très sainte Vierge et de tous les saints. Crois-moi, ne néglige aucun patronage. J'ai voulu d'abord te garder prisonnier et rendre tes frères à la liberté. Je ferai mieux. Tu seras libre et tes frères me seront garants de ton prompt retour. Je t'attends avant un mois. Puisque rien n'est impossible à celui que la foi embrase, retourne à Langstraten et façonne-moi d'ici là une statue de la Mère de Dieu assez haute pour qu'elle domine les remparts de Münster. Elle me rendra compte de ce qui se passe là-bas. Je ne serai pas fâché d'avoir sur bien des choses l'avis du ciel. Va, si tu n'es pas de retour dans 30 jours, si ton œuvre n'est pas achevée, mes exécuteurs commenceront la leur et tes frères seront pendus. » Hänsel n'eut le temps ni de répondre à Falkenstein, ni d'embrasser les pauvres enfants pour lesquels il s'était dévoué. Tandis que le généralissime des armées épiscopales partait au galop, des soldats entraînaient le malheureux sculpteur hors du camp. Il s'éloigna, convaincu que le ciel lui viendrait en aide. Aussi ne fut-il pas surpris d'entendre le vent murmurer doucement en passant auprès de lui. « Courage, Hänsel, ta foi sera récompensée. Dieu t'enverra du secours. »